photographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Troisième épisode. Maman, salut, c'est moi. Je chuchote parce que je suis dans la salle d'attente de chez Gorog. D'ailleurs, est-ce que je l'embrasse pour toi ? Je suis un peu inquiet que tu ne me donnes pas de nouvelles. Ton frère arrive à 22h30 de Damas et il passe juste la soirée à Paris. C'est un peu compliqué de tout te dire sur un message, mais rappelle-moi dès que tu peux. Il est 9h là, je termine à 9h30. Après, je... À nous. Bonjour. Nous en étions à votre rêve. Celui où votre frère tentait de se glisser dans un mini-tunnel que vous aviez creusé dans votre appartement de la rue Paul-Améry. Ma mère vous dit bonjour. Enfin, je pense. C'est trop bizarre que vous ayez été amie avec ma mère. Mais il y a prescription, non ? Oui, il y a prescription. J'ai eu un message de Christian. Abdel ? Oui, Abdel. Je lui dois 4000 euros et il arrive ce soir à Paris et je suis à sec, je sais. Je vous dois aussi de l'argent, mais là, c'est une question De vie ou de mort. Vous exagérez, comme d'habitude. C'est fou, cette manie que vous avez de tout enjoliver. Il faudrait... un miracle. Oui, je sais, c'est puéril de penser comme ça, mais c'est un miracle, un vrai miracle dont j'ai besoin. Il va falloir que j'appelle mon frère. Putain, pardon, mais putain... Salut Maurice, c'est moi, tu dois être en scooter. Je me demandais si t'avais eu mon message d'hier pour Christian et si je pouvais passer prendre un café avec toi à ton bureau à Levallois. Bon, dis-moi, je suis super inquiet que Christian déboule comme ça de Damas sans prévenir, mais bon, j'espère à tout à l'heure. Ouh, ah, c'est froid. Mon mari a pas pu venir, il avait un petit problème à régler. Je ne vous ai rien demandé. La taille du fémur est, comment dire, parfaite. Et ce bébé a une forme de crâne absolument bouleversante. C'est rare. Oui, c'est mon mari, il a un beau front. Bon, vous voulez savoir... Quoi ? Pour la trisomie ? Si ça va bien se passer ? Je parlais du sexe du bébé. Ah ! En fait, nous savons déjà. Très bien. Et comment avez-vous su ? Ben, une évidence, une certitude. Alors ? C'est un garçon. Vous avez pensé au prénom, comment on dit déjà, quand ça marche pour les deux ? Mixte ? Pourquoi vous dites ça ? C'est une fille ? Vous êtes sûre ? Non, je pense que vous avez l'impression de voir un clitoris, mais pas du tout, c'est un pénis, ça peut arriver de se tromper. Fille, je vous dis. Bon, bien, bien. Faudrait que je téléphone à mon mari. C'est quand la prochaine écho ? Une fille donc, sûre ? Dans 3 mois, et oui, une fille. Et sinon, le plus important, pas de risque de trisomie. Elle est magnifique. Vous avez de la chance, avant vous, il y avait une femme qui... Non, rien, pardon. Filez, allez, zou ! Oui, chérie, c'est moi. Je sors de chez Ming. Elle m'a dit pour notre bébé. Alors, il n'est pas trisomique et il a mon crâne. Et je te dirai ce soir pour son sexe, hein. Pas au téléphone. Bon, j'imagine que tu as vomi avec cette nouvelle de l'arrivée de Christian. Il reste du gigot hier soir pour te changer le goût, mon amour. Et bon, je chuchote pas parce que j'ai honte, mais parce que là, je suis dans le métro. Et c'est Bastille. Je descends, j'espère que t'es à la maison à m'attendre. Nu. Non, je déconne, hein. Quoique... Salut. T'as pas faim ? Non, pas faim. Ah bon ? Mais on va au self si tu veux, je te passerai ma carte de cantine. D'accord. Salut Boris. Salut. Bonjour. C'est qui lui ? Attends, je suis sûr que c'est ton frère. Mais si, tu sais, celui dont tu parles. C'est bon, de Bromine. Bah oui, je suis le frère de Boris, c'est quoi ? Vous trouvez que j'abuse de me servir de sa carte de cantine et de venir déjeuner si tôt ? En même temps, vous êtes là, non ? Vous officiez. C'est bon, il est hyper sympa, Dobromil, il est tchèque. Et il a un nom de médicament. Bon, je vais prendre la moussaka. avec des frites et... Bon appétit. T'as pas un peu grossi, non? Si, t'as un peu grossi. Bon, autant te le dire tout de suite, si j'ai pas répondu à tes messages, c'est que moi, Christian, j'ai pas trop envie d'avoir de ces nouvelles. Je sais pas d'où te vient ta fascination pour ce type. J'avoue que je comprends pas. J'en parle parfois avec maman, et elle non plus, elle comprend pas. C'est quoi? C'est à cause de l'épisode de Brie contre Robert, c'est ça? Ça t'a marqué à tout jamais, comme une espèce de pacte entre vous? Les fameux liens du sang? Bah moi, je marche pas dans votre petite combine. Elle est comment, la moussaka? Ça va, potable. Elles ont pas celle de qualité, hein, tu te souviens? Non. Ah, pas grave, pas grave. Tu sais, je comprends pour Christian, mais moi j'ai un problème. Je lui dois 4000 euros et je les ai pas. Alors je me demandais si... Enfin, tu vois, quoi... seulement si c'est pas trop... Tu veux que je te rembourse, quoi? Ouais, bah ouais, je veux bien, ouais. Et bah je peux pas, là. Je te pique une frite? Je peux? Mythographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Troisième épisode. Avec Guillaume de Tonquédec, Lara Brühl, Laure Calamy, Valériane de Villeneuve, Renaud Danner, Lionel Emery, Éric Herson-Macarel. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel. Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff.